Bonsoir à vous tous qui êtes à l'écoute de la radio Isanganiro. Bienvenue dans cette édition de la soirée de ce dimanche 19. D'abord, les grandes lignes. Les coopératives d'extraction des minerais dans la commune Kabarole doivent tenir des études de constitution du sol pour protéger la population. Appel de l'administrateur de cette commune, c'est après la mort des 9 personnes ce samedi qui travaillaient dans les sites d'exploitation des mines dans cette commune. Et en sport, la direction provinciale de l'éducation de Gitega s'est classée première en finale du championnat national d'athlétisme scolaire. Les meilleurs compétiteurs représenteront le Burundi au championnat des meilleurs athlètes des pays de l'Afrique de l'Est. À la fin de ce journal, vous aurez droit à la chronique nutrition. Ornella Mucho avec sa nutritionniste vous parleront de l'aliment qui est la pomme de terre. Voilà pour les titres. Alphonse Ekubimana assure la mise en onde. Page transport pour débuter ce journal. Les chauffeurs de bus qui ont des bus altérés devraient essayer de rénover les sièges de leur voiture en attendant que ces derniers soient remplacés. C'est un appel de Charles Nirameba, secrétaire de l'Association des transporteurs burundais à Trabou, en sigle. Il indique également que leur association prévoit de créer un centre de formation aux gens qui œuvrent dans le domaine de transport en commun afin de les apprendre comment traiter les clients. Suivez-le au micro de Naomi Mireille Nitegek. Des clients qui disent qu'il y a certains convoyeurs. Bon, c'est certains convoyeurs parce que la majorité travaille bien, mais je voudrais souligner par là que le secteur de transport, c'est un secteur qui est vaste et qui accueille beaucoup de jeunes qui viennent chercher de l'emploi parce que c'est un secteur que je dirais qui est dans l'état informel. Donc les jeunes viennent nombreux chercher du travail. Et avec tous ces gens-là et de plusieurs caractères, il est très difficile de les mettre sur une même ligne de conduite. Et nous sommes toujours de sensibiliser en passant par les chefs de parking et pour qu'ils puissent mettre leur force, ramener à la réseau ces récalistra. Mais il y a aussi le règlement d'ordre intérieur de notre association qui sanctionne et ces gens-là qui sont en train de me conduire au travail de transport. Mais pour résoudre d'une façon définitive cette question, la Trabou a pensé la mise en place d'un centre de formation des chauffeurs, des convoyeurs en cours d'emploi, même de nouveau, dans le but de rendre le travail de transport professionnel. Il y a des clients qui se lamentent aussi pour l'état des voitures. Ils s'observent des bus déjà usés. Mais ce qu'on fait au niveau de la Trabou, c'est de sensibiliser les propriétaires pour qu'ils puissent les remettre en bon état. Et on espère que cette question sera remédiée par le renouvellement du charroi. Je venais de vous le dire, l'administrateur de la commune Kabarole appelle les coopératives d'extraction des minerais dans cette commune de tenir des études de constitution du sol pour protéger la population. Victor Nakirutimana le dit après que 9 personnes parmi 25 qui travaillaient dans les sites d'exploitation des mines dans cette commune ont trouvé la mort ce samedi suite à l'écoulement d'une montagne. 4 des victimes sont allées à l'hôpital de cette province. Cette autorité administrative appelle les administratifs à la base de planter des arbres pour protéger le sol. Suivez-le, il est traduit en français par Moïse Emissago. Tous étaient au nombre de 25. Parmi eux, 9 ont trouvé la mort, 16 ont survécu et parmi ces derniers, 4 sont alités à l'hôpital de Kayanza. Mais je vous dirai que ce ne sont pas des orpailleurs, mais ce sont des simples travailleurs qui aident les orpailleurs à transporter le sable jusqu'à la rivière. C'est ainsi que la montagne s'est écroulée, causant cette catastrophe. Cette situation se produisait pour des orpailleurs qui étaient des victimes d'écroulement des montagnes, mais pour le moment, c'est différent. La montagne s'est écroulée juste quand les travailleurs étaient en dehors du site d'exploitation, transportant des sacs du sable. Je peux lancer un appel en premier lieu aux sociétés ou coopératives qui extraient des mines, de revoir les études qui ont été faites sur la constitution du sol pour voir s'il n'y aurait pas de changement pour mener d'autres études afin de protéger la population. Et notre appel, c'est pour nous les administratifs et surtout ceux à la base pour planter des arbres sur toutes les montagnes où se font les travaux d'exploitation minière pour protéger ces dernières. Nous constatons que ces écroulements sont dus au manque d'arbres sur les montagnes. À l'endroit de ces orpailleurs, je les invite à être vigilants et de contrôler si, sur ces montagnes, il n'y aurait pas des fissures qui pourraient causer des dégâts humains afin d'alerter à temps les autorités. Cette société a assuré ses travailleurs de sorte que s'il y a un accident qui se produit, cette société aide pour l'enterrement et l'appui pour les familles des victimes. Mais cela dépend de la catégorie de l'assurance et la société est à l'œuvre. Je vous informerai que les dépenses de l'enterrement des victimes sont à la charge de cette société. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 18h09 au studio de la radio Isanganiro, parlant élevage en province et Bubanza. Les éleveurs de la commune Gianga qui ont bénéficié des vaches de race améliorées de la part du PENSADRIM, programme national pour la sécurité alimentaire et le développement rural de Limbo et du Mosso, se lamentaient de la commercialisation de lait jugé non rentable suite au manque d'un centre de collecte et de transformation de ce produit. Les responsables du programme PENSADRIM, de leur côté, expliquent qu'une mini-laiterie va bientôt être construite dans cette localité de Bubanza. Space Caritas Cabagnana pour la correspondance. Certains de ces éleveurs bénéficiaires des vaches de race améliorées seulement. Mibere Homniza Mumigango, Kurunomosi Tukaba, Tukwabagania Kubijanya Nogutan. Vous nous excusez pour cet élément sonore, nous allons y revenir. Parlons également société en province Muyinga. Le manque d'eau à l'abattoir de Muyinga est un facteur d'insalubrité à cet endroit et ses environs. Les bouchers recourent à l'eau achetée par bidon. Des administratifs indiquent qu'un abattoir moderne sera bientôt fonctionnel en périphérie de la ville, un abattoir qui n'est pas aussi servi en eau. Dieudonné Nzeyimana. À quelques mètres de l'entrée du stade Omucho de Muyinga vers le cimetière, de l'odeur suffocante annonce un endroit particulier. C'est l'abattoir. Ici, des règles d'hygiène laissent à désirer, reconnaissent des bouchers. Le problème majeur, un manque d'eau. La régie des eaux a stoppé l'alimentation de l'infrastructure depuis des années. La commune perçoit une taxe sur chaque bête abattue. C'est elle qui devait régler la facture avec la régie des eaux, grogne ses bouchers. Aujourd'hui, le peu d'eau utilisé est acheté par bidon. L'espoir de travailler un jour dans un abattoir propre repose sur un espace d'abattage renforcé de Mukoni, abattoir moderne construit en périphérie de la ville. À quand l'ouverture de l'infrastructure qui devait être fonctionnelle depuis avril dernier, Jumaïne Baden, des conseillers économiques et du gouverneur de la province Muyinga, dit qu'elle serve. Vous nous excusez également pour cet élément sonore. Parlons politique à présent. Le président du Parti Congrès National pour la Liberté, CNL, appelle ses militants à la tolérance pendant cette période préélectorale. Dans son discours lors de l'ouverture de la permanence de cette formation politique en mairie de Bujumbura ce dimanche, le député Agathon Gwasa a invité les membres de ce parti au respect de la loi du pays ainsi que celle du dit parti. Suivez le porte-parole de cette formation politique, Terence Manirambun. Dans ses propos, le président du parti CNL est revenu sur des situations d'intolérance qui se remarquent ici et là dans le pays. où les militants de notre parti, des fois, entrent en collision avec d'autres membres de formations politiques. C'est ainsi qu'il a rappelé que les partis politiques doivent coexister ensemble pacifiquement. Ainsi, il a rappelé que les militants du parti CNR doivent se conformer à la loi, au même pied d'égalité que les autres formations politiques. Il a aussi parlé que voir certains responsables administratifs qui, des fois, ne traitent pas au même pied d'égalité les militants de formations politiques, c'est une chose qu'il faut corriger. Et si alors, tout parti politique doit se conformer à la loi, d'abord la loi interne au parti politique, mais aussi aux lois du pays. Et nous pensons que nos militants ont bien compris le message qui a été lancé par le président du parti CNL. Terence Manilambona, il est le porte-parole du Parti Congrès National pour la Liberté. Des jeunes ayant terminé leurs études secondaires ou universitaires mais sans emploi devraient utiliser leurs forces pour gagner leur vie, comme l'indique Melkia de Manilakiza, un jeune qui a un diplôme des humanités générales section scientifique B. À cause du manque d'emploi qui s'observe dans notre pays, Melkia explique qu'il a opté de travailler comme caissier dans un cabaret se trouvant dans la zone commune Lugombo de la province de Cibitoke. Il affirme qu'il n'a plus besoin des aides pour subvenir à ses besoins. Vestine Utoi. Avec un badge prouvant qu'il est employé dans un cabaret dit chez Nicolas, lequel se trouve sur la colline Munika 1 de la zone et commune Lugombo, en province Cibitoke, près de la route goudronnée et à moins d'un kilomètre du marché de Lugombo, Melkia de Manirakiza affirme qu'il exerce son métier comme caissier. Dans ce moment-ci, vous voyez qu'il est rare de décrocher un travail. C'est pour cette raison que nous avons conclu qu'il ne sert à rien de rester les bras croisés et nous avons commencé à exercer des petits métiers de diverses natures. Il ajoute que grâce à son boulot, il est capable de satisfaire tous ses besoins, mais aussi ceux de sa famille, sans aucune intervention venant d'ailleurs. Jusqu'à l'heure où nous sommes, je parviens à couvrir tous mes besoins, par exemple m'acheter des vêtements ou des chaussures. De plus, ma famille est fière de moi, car même si mes parents sont vieux, je suis capable de les prendre en charge en leur donnant ce dont ils ont besoin, notamment les vivres ainsi que les habits. De plus, le chef de la 3e avenue de cette colline Munika 1, Mérance Niragira, confirme que quand des jeunes ayant terminé leurs études se mettent à exercer des activités génératrices de revenus, peuvent améliorer leur mode de vie et réduisent des mauvais comportements, entre autres celui de prise des drogues. Ici à Lugombo, nous avons des jeunes sans emploi, mais je vous assure que vous pourrez les confondre avec ceux qui ont du boulot, car ils n'ont pas resté les bras croisés. Ils ont cherché quoi faire, par exemple, cultiver le tomates, les aubergines ou autres. De plus, ces jeunes n'auront plus de mauvais comportements et c'est un atout pour toute la communauté. Au moment où Melkia de Manirakiza appelle les autres jeunes à entreprendre des activités qui pourraient changer leurs conditions de vie, au lieu de rester bras croisés en attente d'un travail incertain, le conseiller principal du gouverneur de la province de Cibitoke, Anissé Saïdi, demande à tous les jeunes entrepreneurs de se regrouper en association ou en coopérative pour que leurs projets soient financés via le fonds destiné au développement communal. Sport, avant de passer à la chronique nutrition, clôture ce dimanche en Ngozi du championnat national d'athlétisme scolaire. La direction provinciale de l'éducation de Gitega s'est classée première avec 4 coupes sur les 5 distribuées. Les premiers compétiteurs représenteront le Burundi dans le championnat des écoles des pays de l'Afrique de l'Est à Arusha au mois d'août prochain. Apollinaire Muzagara. À la fin de ce championnat, à propos du classement des écoles, le lycée Kitsrewa de Gitega a occupé la première place, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Même chose pour le classement par zone. Cette province a raflé la coupe des filles, d'où la première place de la province scolaire Gitega, même au classement général. La seule coupe qui l'a échappé est celle remportée par Mairie de Bujumbura dans le classement des zones chez les garçons. Les provinces Gitega, Bururi et Mwaro prennent toujours les premières places durant ces dernières années dans son championnat. Les meilleurs athlètes vont croiser le fer à Arusha avec ceux des pays de l'Afrique de l'Est dans le tournoi d'Ifeyasa en Angle. Pour la première fois, un délégué de Ifeyasa avait répondu présent en Ngozi pour s'assurer de la situation organisationnelle de son championnat. Le Tanzanien Kurindwa a félicité les organisateurs et a même reconnu des talents de ces jeunes Burundis. Les cérémonies de clôture ont été rehaussées par la présence du ministre Janvier Ndirahisha en charge de l'éducation au Burundi. Il a profité de l'occasion pour donner main conseil à ces jeunes présents. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La pomme de terre fait partie de l'aliment énergétique, comme l'indique la nutritionniste Colombe Caneza. Explique également que la pomme de terre est composée de différentes vitamines, dont le phosphore et les fibres, qui jouent un rôle protecteur pour la santé. Elle explique également que la pomme de terre joue presque le même rôle chez les adultes et les enfants. Les détails de cette chronique nutrition avec Ornella Mouchou. La pomme de terre fait partie des aliments énergétiques. Elle est composée de 20% de matière sèche et 80% d'eau, comme l'explique la nutritionniste Colombe Caneza. La pomme de terre, c'est un féculent. Il est composé d'amidon. Donc la pomme de terre, dans sa globalité, est faite de 20% de matière sèche et 80% d'eau. Toutes les vitamines du groupe B, ils sont représentés en quantité intéressante, mais plus la plupart les vitamines du groupe B6, qui renforcent le système immunitaire. Aussi, ce qui est intéressant à savoir sur la pomme de terre, c'est que la pomme de terre est constituée aussi de la vitamine C, qui est vraiment un antioxydant. Selon toujours elle, l'adulte et l'enfant âgé de plus de 6 mois récupèrent différentes vitamines une fois qu'ils consomment la pomme de terre. On trouve des minéraux qui sont représentés d'une façon importante. On y trouve le potassium qui nous aide à lutter contre l'hypertension artérielle, l'ostéoporose, les AVC. Et aussi, on y trouve le magnésium, une portion de pomme de terre apporte environ 20% des apports nutritifs conseillés quotidiennement en magnésium. On y trouve aussi du phosphore qui sont représentés chez l'adulte. Il y a aussi le phosphore qui nous aide à avoir des os et des dents qui sont solides. Il y a différentes façons de préparer la pomme de terre et qui ajoute à la fin le gras. La nutritionniste explique à la longue, cela peut causer différentes maladies comme les maladies du cœur. La pomme de terre, des fois, il y a des gens qui disent que je ne consomme pas la pomme de terre, d'autres féculents, d'autres sources de glucides comme le pain, parce que ça grossit, ça va faire grossir mon enfant, ça va me faire grossir moi en tant qu'adulte. Je dirais que ce n'est pas vrai. Ce sont des fois des fausses croyances. Parce que la pomme de terre, en soi, comme elle est source d'énergie, elle est aussi importante chez l'enfant et que chez l'adulte. La pomme de terre, ça dépend des associations, ça dépend de comment elle est d'abord préparée. Parce qu'on voit surtout que des gens privilégient de frire la pomme de terre. Et quand on frit la pomme de terre, ça veut dire qu'on ajoute du gras. Donc, du coup, on augmente l'apport énergétique. Des fois, c'est avec la mayonnaise et d'autres fois, c'est avec le fromage râpé. La nutritionniste Colombe Caneza fait savoir que quelle est la meilleure façon de préparer la pomme de terre, c'est de faire la purée, la bouillir avec la chair et moins favoriser la friture. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse et Kugimana pour sa collaboration technique. Bonne soirée à vous.